Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, et puis on va s'écouter quand même plein de très bonnes choses, avec par-ci par-là égrener quelques nouveautés internationales et françaises. On a par exemple du Kampfar, Drutk, Dead Body, Haut et Court, Epextase, etc. etc. Donc voilà, on va se ventiler tout ça tout au long des deux heures que l'on va pouvoir passer ensemble avec les présentations qui vont bien. Et on attaque tout de suite la musique avec une doublette qui cumule presque 70 ans d'existence à L2. Exhumed Darkthrone, tout d'abord Exhumed, le groupe de Gordes vétérans venus des États-Unis qui sortent là leur nouvel effort studio To The Dead, une sortie toujours Relapse Record. Et ensuite, le duo norvégien culte de black metal venu de Norvège, Darkthrone. Ils nous sortent là un Astral Fortress, toujours chez Peaceville Records. Hyper prolifique, hein, les Fenris et consorts venus du Grand Nord norvégien. Stalagmit Necklace, c'est le titre de Darkthrone que l'on s'écoutera ce soir. Et juste avant ça, en ouverture d'émission, Exhumed avec le titre No Headstone Unturned. C'est parti et bienvenue dans l'émission à tous et à tous. We'll be right back. doublette suivante qui voit donc intégrer la première nouveauté dans l'émission de ce soir, une autre formation norvégienne, il s'agit cette fois de Kampfar, le groupe de... alors, black norvégien, parce que du coup l'essence du black norvégien a vraiment sa propre école, doublée par du pagan, mais vraiment à la sauce Kampfar, sachant que le groupe sort là son 9e album studio en presque 30 ans d'existence. Il n'y a pas de changement dans leur recette, mais il faut dire qu'elle est vraiment ultra bonne et qu'elle reste très inspirée. Une musique donc à la fois frontale et épique. Voilà, je m'étouffe en pas direct, mais vous aurez le sentiment que ça s'est produit pour de vrai en direct. Voilà, Kampfar, donc du black épico-pagan, hein, dans les sonorités avec des instruments un peu folk, etc. Des textes en norvégien, des compos longues et généreuses, 6 titres pour 5 à 8 minutes en moyenne. Donc voilà, toujours la grande classe et la puissance totale, Kampfar, une sortie indie recording, donc on est sur du 100% norvégien. Tilkloverstekt, c'est le nom de leur nouvel effort studio. Et juste avant ça, tout en légèreté, tout en douceur, Devin Thompson, nouvel effort studio intitulé Lightwork. Il est déjà disponible cet album et c'est clairement le truc le plus smooth qu'on s'écoute dans l'émission depuis quelques semaines. Celestial Signals, et juste après ça donc Kampfar avec le morceau Flammen fra Nord. C'est parti. Find me. La doublette suivante, elle rigole zéro avec une des toutes meilleures sorties en termes de hardcore cet automne. Inclination, le groupe de hardcore Strategy venu des États-Unis qui nous sort un très très bon premier album studio longue durée. Unaltered Perspective avec un petit All-Star Band dans le line-up de Inclination, puisqu'on retrouve des icos venus de Knuckles et autres Arms Way. Voilà, après deux EP, il nous balance un petit 11 titres de 30 minutes qui fait bien bien mal et de très grande qualité. Et en doublette avec Inclination, les Italiens de Anthropophagus, le groupe de Brutal Death qui nous sort son Origin de très très grande qualité également. Agonia Records, c'est leur écurie, on s'écoutera le titre Passage of Annulment. Et Inclination juste avant ça avec le titre Connection, c'est parti. Yourself, you are no one to count on. I promise you. pour la suite dans l'émission de ce soir, une doublette avec une autre nouveauté. Drutk, le groupe de black metal qui nous vient d'Ukraine, ils sortent là leur 12e effort studio en une petite vingtaine d'années d'existence. Au programme, entre guillemets, seulement 4 titres, mais qui font chacun entre 8 et 15 minutes, pour un total donc de 45 minutes de musique. On est toujours sur un black épique, mélancolique, très froid, vraiment typique de ce qu'on peut trouver en Europe de l'Est. Le titre en diffusion initiale devait faire 10 minutes, il a été édité pour tenir en 7, juste pour éviter de bouffer trop de temps dans l'émission. Mais on vous invite à nous réécouter sur les podcasts, vous aurez le morceau en entier. Et surtout, bien évidemment, à l'écouter par vos propres moyens, et tant qu'à faire, à vous le procurer, ce nouvel effort studio de Drutk. Et en doublette avec eux, nous aurons White Skull, groupe de heavy power italien, qui date de la fin des années 80. On est sur un thrash assez teuton, hein, un heavy thrash assez d'influence allemande. Voilà, c'est assez classique, mais c'est plutôt bien fait. C'est une femme qui tient le micro, donc on peut faire 2-3 ponts avec ce que peut nous proposer un Crystal Viper, par exemple. Metal Never Rust, on est dans le cliché absolu pour les inspirations de White Skull. Hammer on Thin Ice, c'est le titre qu'on va s'écouter tout de suite. Et Drutk, ensuite, The Nocturnal One, extrait du nouvel effort studio All Belong to the Night. Une sortie française toujours sur le label Season of Mist. Thank you. Yeah. Une autre doublette de violence avant d'attaquer l'aspect française, Dead Body, qui pour le coup est également une nouveauté dans la diff de ce soir. Dead Body, c'est quoi? C'est une formation qui nous vient des US, encore un joli all-star band autour du hardcore. On est sur un chouette trash hardcore crossover avec du death. Dans le line-up, on retrouve des actuels ou ex-membres pour Nails, God's Hate, AC/DC, Dispazio, etc. Des mecs ultra expérimentés qui sont là pour zéro rigoler, ça cogne ultra fort. Premier effort studio qui est plus proche d'un EP que d'un album, 8 titres pour environ 20 minutes de baston. C'est brutal, ça crunch, ça groove et surtout il y a un très très bon équilibre au niveau des tempos entre les deux styles qui sont mélangés, hein, pour rappel le hardcore et le death, et ça marche méchamment bien. Donc ce premier effort studio de Dead Body intitulé The Requiem, une sortie sur le très très bon label Closed Casket. Et en doublette une autre formation qui galope, Cloud Rat, le groupe de Grindcore +++, hein, on peut... stylistiquement c'est pas proche d'un Wormrot, mais pour dire que c'est du grindcore amélioré, enrichi on va dire, un trio emmené par une frontman, c'est ultra furieux et rageux comme pas possible, 15 titres pour 30 minutes, ça va à l'essentiel, c'est du grindcore pur et dur, du coup non, pas du tout, des fois on se perd un peu justement dans les variations, les inspirations, etc, mais la base elle est là et elle est violente et efficace. Cloud Rat, l'album s'intitule Threshold, on s'écoutera le morceau Porcelain Boat, et juste avant ça, Dead Body, Horror of the Malformed, c'est parti. We'll be right back. Et on atteint donc l'aspect française. Hein. Pour rappel, vous êtes toujours dans l'émission Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et la doublette française d'ouverture pour ce soir, c'est Iron Flesh et Mobutu, de style différent. On va dans le grand sud-ouest français, pour situer un peu géographiquement. Iron Flesh tout d'abord, avec des icos de la scène extrême bordelaise, réunis autour de ce nouvel effort studio Limb After Limb, une sortie sur le très très bon label Warantium Records. On s'écoutera le titre Asghoul March On. Et ensuite Mobutu, groupe de hard and roll bien grassouillé d'inspiration Motorhead. Ils sortent là un nouvel EP Mobutu Is Back et on s'écoutera le morceau Mobutu Will Kick Your Ass. Voilà, les titres parlent d'eux-mêmes. Oh, to rock.